ta faute. Ni symbole, ni métaphore. Ni symbole, ni métaphore. Je t'aime sans aucun, aucun détour. Ni symbole, ni métaphore, ni symbole, ni métaphore, ni...